Selon le journal d'internet sud-coréen Jaju Sibong, la société de patronage des prisonniers consciencieux du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation a tenu le 4 mai au parc de Tapkol à Séoul un rassemblement des habitants. Les orateurs y ont déclaré que les prochaines présidentielles doivent être une occasion pour éliminer les vices avant de réclamer l'abolition de la loi sur la sécurité, la fin à la division nationale et l'instauration du gouvernement attaché à la paix et à la réunification.